cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. انتهينا في الدرس السابق من المثال الثاني toujours dans notre رسالة الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي. الشيخ سعدي رحمة الله عليه cite des exemples pour démontrer les bienfaits de ce din l'islam. Le premier exemple, il a cité arkan al-iman, les piliers de la foi. Le deuxième exemple, il a cité ماذا? Arkan al-islam. Mahi? الشهادتين الصلاه الصيام الصيام الزكاه الزكاه والحج كما في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا الدين دين عظيم. Il est fondé sur ces fondements. هذا الدين c'est une croyance. C'est pas seulement un nom, c'est pas seulement une appartenance. لا, c'est une croyance, عقيده. كذلك هذا الدين c'est des اعمال عظيمه. Et on a cité quelques bienfaits de ces ibadat. Waliyoum, il va citer un troisième exemple, et c'est un exemple كذلك عظيم. وهو ما يتعلق بالاجتماع والبعد عن الاختلاف. أي هذا الدين, c'est un دين qui appelle à se rassembler. Se rassembler sur le haqq. Former un groupe uni, al-jama'a. Et had al-din, il nous interdit de nous diviser, de nous détester entre musulmans. Et on va lire kalam al-shir sa'di rahmatullah alayhi, et on essaiera de détailler quelques points. Wa billahi tawfiq. Qala rahmatullah alayhi, al-mithal al-thalith, troisième exemple. Ma amra bihi al-shari' wa hatha alayhi. من وجوب الاجتماع والائتلاف الألفة والجماعة. C'est deux mots qui se ressemblent pour montrer un rassemblement, une union, l'unité. قال ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف. التفرق, ça vient de الفرقة, la division. Tout ça, ça contredit l'union, ça contredit le jama'a. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ordonnent de nous unir sur le haqq et ils nous interdisent de nous diviser. قال الشيخ سعدي على هذا الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسنة شيء كثير. Beaucoup de preuves في القرآن وفي السنة sur ce fondement, الاجتماع. من هذه الأدلة on peut citer قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآية العظيمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام c'est le fait de s'accrocher, se cramponner à une chose. Ce verset nous montre أن هذا الاجتماع que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne et son messager كذلك et les savants nous conseillent souvent. هذا الاجتماع, ce rassemblement, il doit être autour d'une chose bien précise. C'est حبل الله عز وجل. وحبل الله العلماء, il l'explique بالإسلام, il l'explique بالقرآن, il l'explique بالسنة, il l'explique بالحق. المهم Anna, ce rassemblement, on doit se rassembler autour de ce din. Et ce din, il est fondé sur le Coran et le Sunna. Et le Coran et le Sunna, c'est le haqq. Donc toutes ces explications que le Mufassirun y cite, le haqqa, elles se rejoignent. Donc, al-i'tisam, ou aqsud al-ijtima', il doit être fondé sur ces sources, le Coran ou le Sunna. Et à partir de là, tu vois l'erreur de certains qui appellent à se rassembler, lakin, à se rassembler autour de leur pensée à eux, se rassembler sur leur fondement à eux, quitte à faire des concessions sur le din, quitte à contredire hada din. Wa hada c'est mina al-dhalal al-mubin, c'est pas mina al-ijtima'. Al-ijtima', il ne faut pas comprendre forcément le grand nombre. Là, l'ijtima' c'est se rassembler sur le haqq. Et ce groupe qui se sont rassemblés sur le haqq, même s'ils sont peu, c'est eux le jama'a. C'est eux le jama'a. Le jama'a ma wafaq al haqq. Walaw kunta wahdak. Hakada qala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Donc, il ne faut pas comprendre de fondement. C'est un fondement azim. Aïe, se rassembler à l'ijtima', il ne faut pas comprendre. On se rassemble sur tout et n'importe quoi. L'essentiel, c'est de former un groupe. Même si ce groupe, il est fondé sur les passions, sur le batil, ils contredisent la vérité. Hada, ça ne fait pas partie de manhaj, ahl sunnati wal jama'a. Bel, ahlul bid'a, comme ta'alamoun, ils appellent beaucoup à se rassembler. Lakin, pas se rassembler autour du haqq. La preuve, c'est que si tu les appelles au haqq, ils refusent. أهم شيء بروسيون سو راسوم حتى جاء رأس من رؤوس الضلال في هذا العصر وهو مؤسس جماعة الإخوان المفلسين حسن البنا il a prétendu بل il a instauré une règle et le fondateur des Ikhwan les frères musulmans ils ont un fondement on se rassemble. C'est pour ça que même le nom Al-Ikhwan Al-Muslimoun, on est tous des frères. Tant que tu es un musulman, on doit se rassembler. Et hada, c'est pas min al-haq. On doit se rassembler sur le haq, même si c'est un musulman. Si c'est un égaré, on doit le conseiller. Amma huwa la. Bal, il a ouvert les portes, hatta ijtama'a ma'ahum des zanadiqa, des kafara. Min al-nasara, min al-rawafid. Limada, li'annahum, ils ont un mabda, ils ont un principe, hum. On se rassemble tant qu'on est d'accord. Et ça c'est haq. On se rassemble. Sur quoi on est d'accord? Sur le haq. Et c'est batil. On se rassemble sur quoi on est d'accord. Lakin, sur nos divergences, on se tait. Tu ne me réprimandes pas, je ne te réprimande pas. Tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Lakin, on se rassemble. Pourquoi? Parce que tu es un musulman, je suis un musulman. Et هذا c'est من الضلال. هذا c'est من الضلال. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. Et on doit montrer, si tu aimes vraiment ton frère, tu dois lui montrer. أما je me tais et tu te tais, l'essentiel c'est qu'on se rassemble. هذه c'est طريقة أهل البدع والضلال. Donc, ce point important que Cheikh Saadi l'a cité, c'est qu'on doit se rassembler sur le haqq. Et notre but, c'est le haqq. Comme a dit Azza wa Jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Méditez bien sur hada al-qayd, la précision dans ce verset. Qala Azza wa Jalla, wa'tasimu bihablillah. C'est important. Ma qala wa'tasimu jami'an. La bihablillah. Et ce i'tisam, ce regroupement, on doit s'accrocher au din. On ne doit pas se rassembler autour d'une couleur, comme ils font certains. Ils se rassemblent, les annahum, ils sont de telle origine. Ou on se rassemble, ou ils se rassemblent par rapport annahum, c'est des hommes ou c'est des femmes. Les rassemblements féministes, tout ça c'est batil. Ou ils se rassemblent parce qu'ils ont les mêmes idées politiques. Pardon, ils se rassemblent parce qu'ils font partie du même madhab, ou ils suivent le même shir. Tout ça, c'est batil. On se rassemble autour du Coran et de la Sunna. Et ça, c'est important. Ce rassemblement, ça ne sera pas une personne précise qui va gérer. Là, c'est le haq qui gère. Celui qui se trompe, il doit faire tawbah. Celui qui contredit un fondement de notre din, il doit revenir. Et c'est ça, l'ijtima' al-haqiqi. Comme ça s'est passé à l'époque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont rassemblés autour du haqq et ils ont suivi le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nasarahum. Alors qu'ils étaient d'origine différente, ils venaient de pays différents et ils avaient une culture différente. Lakin, ce qui les a rassemblés, c'est le haqq. Wa qala azza wa jal, wa la takunu kalladhina tafarraqu wa akhtalafu. من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Ça c'est un nahi anit tafarruq. Allah nous interdit de nous diviser. Wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'd ma ja'ahum al bayyinat. Alors que les preuves elles leur sont parvenues. Ça nous montre que le rassemblement il doit être autour des preuves et on n'a pas le droit de se diviser après que les preuves elles soient venues. Et ça nous montre que dalik anna la division c'est une cause de adab. Allah subhanahu wa ta'ala il a menacé ceux qui se divisent, qui délaissent le haq par un châtiment. Qala azza wa jall وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. كَذَلِكَ ça nous montre أن la division ça fait partie de سُنَّة الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى et ceux qui étaient avant nous. C'est eux qui se sont divisés. أَمَّا نَحْنُ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَةِ. On doit se rassembler, on ne doit pas suivre هؤلاء dans leur égarement. نَحْنُ on a le même livre, le Coran. On a le même prophète, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On adore le même ilah, Allah azza wa jalla. On a les mêmes fondements, arkan al-iman, arkan al-islam, etc. Enfin, pourquoi se diviser? Et on verra les causes, incha'Allah ta'ala. Wa qala azza wa jal, kadhalik, inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, ay ahzab, des groupes. Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Ceux qui ont divisé leur dé, à cause de leur passion, à cause de leur ignorance, à cause de leur entêtement, وَكَانُوا شِيْعَا, c'est devenu des groupes. Alors que ça, on n'a pas le droit. Dîn, il est wahed, le prophète, il est wahed. On doit tous le suivre. Pas le droit de faire des groupes. قَالَ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé au rassemblement, il a appelé à suivre le haq. Amma ces groupes, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est innocent de tous ces groupes. قَالَ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ. نعم إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Ça nous montre أن التحزب والتفرق tout ça, ça fait pas partie de la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il aime ceux qui se rassemblent على الحق et il déteste ceux qui se divisent. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. الله سبحانه وتعالى il aime pour vous, il est satisfait de trois choses et il déteste trois choses. Et ça c'est important. Le musulman il doit savoir ce que Allah سبحانه وتعالى il aime, حتى il fait ces choses. Et il doit savoir ce que Allah سبحانه وتعالى il déteste, حتى il s'écarte de ces choses. فالله سبحانه وتعالى يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Première chose, Allah il aime qu'on l'adore seul et qu'on ne fait pas de shirk. On lui associe rien. At-tawhid. C'est ça ma'na shahada. Et c'est sur ce point qu'on doit se rassembler. On n'a pas le droit de se rassembler avec al-mushrikoun, avec al-quburiyoun, avec ubad al-awthan. On n'a pas le droit. Même s'il se dit muslim, même s'il prétend être muslim. Le rassemblement il doit être sur le haq, sur at-tawhid. Qala wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et vous vous rassemblez tous autour de ce habl, c'est le Coran, la Sunna, l'Islam, le tawhid, wa la tafarraqu. Allah il aime ça. Troisième point, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Vous conseillez ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis comme dirigeants. Allez vos dirigeants, vous les conseillez quand ils se trompent, quand ils s'égarent, quand ils font une erreur. On les conseille, ils ont un haq sur nous. وَيَكْرَهْ لَكُمْ. Et ils détestent pour nous trois choses. Donc les trois choses que Allah il aime, التوحيد, الاجتماع, se rassembler sur le haq, et conseiller les dirigeants. Les trois choses qu'ils détestent, subhanah, وَيَكْرَهْ لَكُمْ قِيلُ وَقَالُ. الْقِيلُ وَالْقَالُ. Allez parler sans ilm. Polémique. Tout ça, bil arabiyya, ils disent qil wa qal. Ay, un tel il a dit, fulan il a dit. Sans aucune preuve, sans aucune source. Limadha li anna al qil wa al qal, c'est une cause de division. Les rumeurs, elles se propagent. Les mensonges, la médisance. Et tout ça, ça divise l'umma. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste al qil wa al qal. Et nous, on doit s'écarter de hal. Celui qui parle, il parle bi'ilm. Celui qui ne sait pas, il demande à ahl al-ilm. Celui qui a un doute, il se tait. Et il fait des recherches. Et l'intention, elle doit être bonne. Deuxième chose, poser trop de questions. Ça divise. ça divise l'umma, surtout des questions dont tu n'as pas besoin, yarhamakallah. Des questions tu n'as pas besoin, des questions t'es pas touché par cette chose, des questions et il n'y a aucun amal derrière, des questions posées aux mauvaises personnes, tout ça, ça fait du mal. Les questions, c'est pas interdit. Bel Allah subhanahu wa ta'ala amarana fas'alou ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamoun, si tu sais pas et tu as besoin de cette chose, c'est une question importante. Amma les questions pour diviser, les questions pour se montrer, les questions pour essayer de montrer que ce mufti, ce cheikh, il peut pas répondre, pour le bloquer, pour coincer, tout ça c'est pas min al-khayr. Fichi. Troisième chose, wa idha'atul mal, gaspiller son argent. Idha'atul mal, hada c'est haram, لأن المال c'est une ni'ma. Et ce mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a facilité. Il y a des hukouk, al-zakat, et tu dois l'utiliser fil halal. Enfin, tu ne fais pas ce que tu veux avec ton mal. Al-hadith, taqaddam ma'ana, annahu il est fait sahih muslim. Qala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. On revient à notre point, ayat l'ijtima'. قال في الفتاوى تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين. Ça fait partie des fondements de notre dîn. تأليف القلوب, rapprocher les cœurs, que les cœurs soient unis. واجتماع الكلمة, qu'on se rassemble autour des mêmes principes. وصلاح ذات البين, s'il y a un problème, on fait tout pour réconcilier nos frères, on fait tout pour les rapprocher, on fait tout pour éloigner le shaytan. قال فإن الله تعالى يقول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Allah subhanahu wa ta'ala amrana. S'il y a une division entre frères, on doit tout faire pour les réconcilier. Un islah shari, ça ne veut pas dire qu'on se tait sur le munkar, là, on conseille. Celui qui se trompe, il revient. Celui qui a fait du tort à son frère, il demande pardon. Celui qui s'est égaré, il revient, il a sunnah. C'est ça al-islah. Ça ne veut pas dire se taire. Comme on a cité l'exemple des ikhwan. Ma'ahum ya al-rawafu, ya al-jahmiya, ya al-mu'tazila, ya al-ash'ira, ya ba'd al-nasara, ya jama'at al-tabligh, ya jama'at al-takfir. Et l'essentiel, on est unis parce qu'on est tous des musulmans. Et personne ne doit réprimander l'autre. Ça, c'est pas min al-nasiha. Et c'est pas min al-islah. Ça, c'est min al-fasad. Et on voit les fruits de cette jama'a, fil l'umma l'an. On voit le résultat du shar et du fasad. Qal shir l'islam, wa yakoul Allah azza wa jal, wa a'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraku. Wa yakoul, wa la takounu kalladhina tafarraku wa akhtalafu. Tous ces versets, on les a cités. قال وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. Donc ça fait partie des caractéristiques de أهل السنة. أنهم ils appellent à l'unité, à se rassembler. لكن sur le حق. أهل السنة ils recherchent pas le grand nombre. Là, ils recherchent le haq. Et s'il y a un grand nombre qui est rassemblé sur le haq, c'est une ni'ma. Lakin, si le grand nombre est khalaf le haq, ils reviennent au haq. Fal jama'a, c'est le haq. C'est pas le grand nombre. Qala Cheikh Sa'di, ba'd dalik, il va démontrer l'an. Pourquoi il cite ce point dans cette risale? Le rapport entre les bienfaits de notre din et le fait de se rassembler. Qala wa qad عَلِمَ كُلُّ مَنْ لَهُ أَدْنَى مَعْقُولٍ أَدْنَى مَعْقُولِ مَنْفَعَةِ هَذَا الْأَمْرِ وَمَا يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ وَمَا يَنْدَفِعْ بِهِ مِنَ الْمَضَارِ وَالْمَفَاسِدِ. Celui qui a un minimum de connaissances, et celui qui analyse l'histoire, il se rendra compte que l'ijtima' s'amène qu'au khayr. Se rassembler sur le haq s'emmène qu'au khayr. Et la division s'emmène qu'au shar. La division ça affaiblit. Al-A'da ils prennent le dessus. Qala wa la yakhfa aydan anna al-quwwata al-ma'nawiyya al-mabniyya 'ala al-haq hadha asluha alladhi taduru 'alayh. Al-quwwa al-ma'nawiyya, ay la force de cette communauté, elle est basée sur l'ijtima'. Plus la communauté elle est rassemblée, plus elle sera forte. فَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ الرِّيحُكُمْ. الرِّيحُ هُنَا بِمَعْنَى الْقُوَّةِ. وَلَا تَنَازَعُوا أي ne vous divisez pas. فَتَفْشَلُوا. الفشل c'est perdre ses forces, faiblir. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تَذْهَبَ رِيحُكُمْ أي votre قوة, votre force elle partira. Donc l'umma, pour qu'elle retrouve ses forces, pour qu'elle retrouve sa grandeur, il faut qu'elle se rassemble. Et il faut qu'elle se rassemble à al-haq. Pas mujarrad d'un rassemblement. Là, comme on répète, rassemblement à al-Qur'an, à la sunna, à la manhaj al-salaf. Et ce rassemblement, inshallah, il fera du bien. Ce rassemblement, bien sûr, autour du ilm. Ce rassemblement en obéissant au gouverneur muslim. Ce rassemblement en revenant à Ahl al-Ilm. Et cette communauté l'an qui s'est rassemblée autour d'un gouverneur, qui suit le Coran et qui suit le Sunna, et qui revient à ses savants, et qui donne de l'importance au ilm, ça sera un groupe qui sera à la khayr jiddan. Qala, kama annahu qad ulima ma kana alayhi al-muslimun fi sadr al-islam min istiqamati al-din wa salah al-ahwal wal-izza التي لم يصل إليها أحد سواهم إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل. Il donne l'exemple un de l'époque de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le wahy, تعلمون أن العرب ils étaient divisés. Quraysh et d'autres tribus, ils s'entretuaient toute l'année. النبي صلى الله عليه وسلم il est venu avec هذا الدين, il les a rassemblés. حتى صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين ثم آخى بين المهاجرين والأنصار كما جاء في الحديث. الإمام البخاري il a cité ce hadith et il a cité ce bab. أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى, ça veut dire il les a rendus frères. حتى il a désigné à chacun un frère. عمر بن الخطاب il lui a désigné son frère min al-Ansar. Liana Omar ibn Khattab, c'est un muhajir. Il venait de Mecca. Quand ils sont venus à Médine, chacun, il leur a cité, il leur a présenté son frère min al-Ansar. Alors que ce n'est pas son frère de sang, là. Lakin, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a unis. Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, quand il est venu à Médine, il fait partie de l'muhajiri, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aqa baynahu wa bayna wahad min al-Ansar. Ce Ansari lui a proposé la moitié de ses biens. Il lui a proposé une de ses femmes. Il l'a divorcée. Abdurrahman ibn Auf se marie avec. Ah, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils se sont unis et ils se sont aimés fillahi azza wa jal. Fallah subhanahu wa ta'ala a'azzahum wa nasarahum. C'est ça qui a fait la force à l'époque du prophète alayhi salatu salam. Et c'est ça qui fait notre faiblesse à l'yom. Contredire ce point. Lakin, ils se sont rassemblés autour de quoi? Ils se sont rassemblés autour du haq. Ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont accepté le Coran. Ils ont délaissé le hawa. Ils ont délaissé les passions. Ils ont délaissé le suivi aveugle. Et ils ont suivi sunnat al-Nabi alayhi salatu salam. قال الشيخ سعدي إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم. Ils étaient sur la conviction qu'il faut qu'ils se rassemblent. Ils se sont rassemblés à l'al-haq. Ils se sont conseillés, ils se sont entraidés. Allah subhanahu wa ta'ala nasarahum. Et nous, ça doit être la même chose. On ne doit pas se rassembler faqat d'apparence. Et hada il a un manhaj, l'autre il a un autre manhaj. Hada il a des fondements, l'autre il a des autres fondements. Ce n'est pas un rassemblement hada. Un jour ou l'autre, ça se divisera. Il y en a, chacun des deux parties ne voudra pas délaisser ses principes. Alors que les principes, normalement, ça doit être les mêmes principes. Al-Islam. Arkan al-Islam, arkan al-Iman, al-Aqidah, al-Salafiyyah. Ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et ceux qui sont venus après. C'était eux le jama'a, al-Haqqa. Nous, on n'a plus qu'à suivre. Amma al-An, plusieurs groupes, comme a akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sataftariq hadi al-Umma ala thalathin wa sab'ina firqa kulluha fin nar illa wahida. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré que cette communauté va se diviser. 73 groupes. Tous ils sont dans le feu sauf un. C'est ce groupe nahnu que tu dois voir, c'est celui-là qui a al-haq. Et ce groupe, il ne peut pas se rassembler avec les autres groupes. Là, les autres groupes, ils doivent délaisser leur égarement et revenir à ce groupe. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré ce groupe. Ils lui ont dit, manhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, al-jama'a. C'est le groupe al-jama'a. Ibn Mas'ud, il a expliqué le jama'a. Ma wafaq al-haq. C'est ça le jama'a, c'est ce qui est sur le haq. Ça ne veut pas dire que c'est un grand nombre. Ça ne veut pas dire que ce groupe, il est plus important que les autres groupes au niveau du nombre. Allah. Et dans l'autre riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré. Ce groupe, c'est ce sur quoi il était lui et ses compagnons. Et son manhaj est avec la voix des compagnons, radiyallahu anhu. Donc on n'a pas d'autre solution. Manhaj al-ikhwan al-muslimin, se rassembler et ne pas se conseiller, ne pas enlever le munkar que pour préserver l'union, ça c'est pas la voix de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que tu les trouves, ils sont en désaccord entre eux. Parce qu'ils n'ont pas suivi le haq. Al-ijtima, c'est une cause de rahma. Et c'est une ni'ma azima. Qala Allahu Azza wa Jal, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur rappelle cette ni'ma. Ils étaient divisés. Ils s'entretuaient. Toute l'année, ils se détestaient. Avec Had al-Din, c'est devenu des frères. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Rahma. Rahma, ils ont pris de l'importance. Ils ont préservé leur bien et leur sang. Et, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ, ils ont avancé ensemble. C'est ça l'importance de ce point. C'est un bien pour ton din et pour ta dunya. قَالَ قَتَادَ رَحِمَهُ اللَّهِ كَمَا فِي تَفْسِيرْ Ibn Jarir al-Tabari. إذ كنتم تذابحون فيها أي vous entretuez الذبح يأكل شديدكم ضعيفكم. C'était ça avant la venue de l'islam. C'est celui qui avait de la force, il avait le dessus sur le faible. Ils n'avaient aucune rahma, aucune pitié pour le faible. أما notre دين لا جماعة. Celui qui a de la force, il prend soin sur son frère qui a des faiblesses. Il l'aide. Et il a de la rahma pour lui. Là, c'est son frère. قال حتى جاء الله بالإسلام فآخى به بينكم وألف به بينكم أما والله الذي لا إله إلا هو إن الألفة la rahma وإن الفرق العذاب. Et jure قتادة après هذا Al-Ulfa se rassembler, c'est Ar-Rahma. Ça va préserver beaucoup de choses, le rassemblement. Ou Al-Furqa, Adab. C'est un Adab. Al-A'da, Yatamakkanoun. Al-A'da, ils en profitent. Al-Ashrar, ils en profitent. La Umma, la plus, cette force. Et ça implique beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de choses. Wallahu al-Musta'an. Kadhalik al-Ijtima' kama taqaddam, c'est Quwa wa Izzah. C'est la force à l'ijtima'. قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تقدمت الآية. On peut se demander الآن c'est quoi les causes de la furqa. لأن نحن الآن on sait que l'ijtima' c'est une ni'ma et ça fait partie des bienfaits de notre din. Vous avez remarqué que al-kafara ils font tout pour se rassembler entre eux. Mais annahum ils sont divisés. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لكن ils font tout pour s'unir, ils font des unions, que ce soit économiquement, que ce soit par rapport au territoire, que ce soit par rapport à l'emploi, beaucoup de choses. Les annahum, ils savent. Adaullah anna, l'union, ça fait la force. Ils savent, had. Lakin, l'union, ça fait la force, fil haq, pas fil bat. On doit connaître c'est quoi les causes. Les causes de la division, hatta on s'en écarte. Et si on connaît les causes de la division, on connaîtra les causes du rassemblement. Parmi les plus grandes causes qui divisent les musulmans, al-asabiyya, al-ta'assub. Ta'assub, c'est s'entêter. S'entêter sur ses positions. Délaisser le haq. Li'anna al-ijtima', c'est revenir au haq. Si on veut se rassembler, on doit tous revenir à la vérité. Si un musulman s'entête, il ne reviendra pas à cette vérité. Donc, il va être la cause de la division. Al-ta'assub wal-asabiyya. قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. Ça c'est من صفات المشركين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit d'être comme eux, d'avoir divisé leur dîme. C'est devenu des groupes, plusieurs groupes. Kullu hizbin, chaque groupe, bima ladayhim fari'un. Chaque groupe, il est content de ce qu'il a et de ce qu'il a. Nahnu la. Le ta'assoub, on doit l'enlever. On doit revenir au haq, même si on se trompe. Et le haq, c'est autre que notre parole, ou la parole de notre shir, ou de nos proches. On doit revenir à ce haq. Et la santé, ce ta'assoub. Et ta'assoub, ça provoquera la division. C'est pour ça que Katir min Ahl al-Dalal, ils disent, mais pourquoi vous divisez? En parlant de Ahl-Sunnah, en parlant de Salaf, ils disent, pourquoi vous divisez? Pourquoi vous mélangez pas? Fa fil haqiqa, nahnu, la réponse, c'est vous qui divisez. Nahnu, on veut se rassembler, lakin sur le haq. Délaisse ton égarement, délaisse le bid'a, reviens à manhaj al-Salaf, al-Kitab, al-Sunnah, avec la compréhension des compagnons, et t'es notre frère, on est ton frère, et on se rassemble. Ah, mais la question nahnu, qu'on leur pose, c'est pourquoi tu délaisses pas ton égarement? Les Nahum, ils remettent la faute sur Ahl al-Haq. Ils disent, ils divisent, ils veulent pas se mélanger là. Celui qui a divisé, c'est Al-Mubtadi'. C'est lui qui a divisé. Nahnu, on est d'accord, la division, elle est présente. Lakin, la cause, elle est là la question. Ah, mais la division, elle est présente. Al-Nabi sallam, il a informé. Sataftariq ummati ala 73 firqa. Nabi sallam, il a informé. Cette communauté, elle va se diviser. Nahnu, on dit à Haoula, revenez au Haq. Et, inshallah, vous ferez partie de ce groupe qui est ala al-Haq. Ah, mais on délaisse tout ça et on se rassemble pour être unis en apparence. Là. On n'a pas le droit de s'unir sur le batil. On n'a pas le droit de s'unir avec quelqu'un qui adore des tombes. On n'a pas le droit de s'unir avec quelqu'un qui insulte Aïcha. On n'a pas le droit de s'unir avec quelqu'un qui insulte Sahaba. On n'a pas le droit de s'unir avec quelqu'un qui nie les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. On n'a pas le droit de s'unir avec quelqu'un qui appelle à se rebeller contre le gouverneur. On va s'unir sur quoi? Sur Hadha al-Dhalal. Là, tout ça c'est des fitaines. On s'écarte et on reste avec nos frères qui sont à l'al-Haq. Et celui qui veut l'al-Haq, il est mawjoud. Kitab ou Sunnah. Deuxième cause, donc la première, l'asabiyya, s'entêter. Deuxième cause qu'on peut citer, al-kibr wa hub al-ulu. Ça divise, kadalik. Al-kibr, l'orgueil. Même s'il sait que al-haq, c'est autre que ce qu'il suit, il ne peut pas le délaisser. Et ça divise. Les al-haq, ils auront des principes. Ils auront des choses. Ils vont se rassembler autour de ces choses. À cause de son orgueil, il ne veut pas se rassembler, il divise. قَالَ عَزَّ وَجَلْ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ بَغْيًا بَيْنَهُمْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ أَيْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. Pourquoi ils se sont divisés? Pourquoi? مَعَ أَنَّهُمْ إِسَمَى كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. الْعِلْمُ il est reparvenu, ils connaissaient. لكن البغي الظلم الكبر. Ils n'ont pas voulu se rabaisser au haq. Ils se sont divisés. Al-Yahoud ou Al-Nasara. Al-Nasara entre eux ils se sont divisés. Al-Yahoud entre eux ils se sont divisés. Enfin, nous en tant que musulmans, on n'a pas le droit de ressembler à Ha'oula. Al-Haq, c'est le Haq. On est obligé de. At-Tawadu. Ça nous montre. Anna parmi les causes de rassemblement, le contraire de l'Asabiyya, c'est At-Tajarrud al-Haq. Le contraire de Al-Kibr wa Hubb al-Ulu, At-Tawadu. La modestie. Et l'objectif, c'est le Haq. La bonne intention. Tout ça, c'est des causes de rassemblement. Troisième cause, parmi les choses qui nous divisent, est tiba'ul hawa, suivre ses passions. Ça divise. Lianna al-haq, c'est telle chose. Il va délaisser, pourquoi? Parce que ses passions, son nefs, elle veut autre. Il divise tout le monde. C'est lui la cause de la division. C'est pas ceux qui suivent le haq. Qala Allahu azza wa jal, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. La cause pour se réunir, c'est suivre هذا الصراط. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُ. Donc on doit suivre هذا الصراط et s'accrocher à هذا الحبل. Et le Coran et le Sunna. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ. Et faites attention, ne suivez pas les voies, les chemins autres que le Coran ou le Sunna. Pourquoi فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. Ça va vous écarter, ça va vous égarer, ça va vous diviser. Donc qui c'est qui divise l'âne? C'est ceux qui suivent le Coran et sunna, ou ceux qui suivent leur passion, al-bid'a ou al-khurafat, et Thomas, eux-mêmes, ils reprochent aux autres. Pourquoi vous divisez? C'est sahib al-bid'a qui divise, sahib al-ma'siya qui divise. C'est pas celui qui suit le haq. Amma délaisser le haq pour te suivre, et on appelle ça une union, là, ça c'est min al-hawa, ça fait partie des passions. Celui qui veut s'unir revient au haq. Et min ni'matillahi azza wa jal alayna, anna ahl al-haq, ils sont toujours présents, ila yawm al-qiyama. La tazal ta'ifatu min ummati ala al-haq, zahirin. Hakada qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Toujours il y aura un groupe qui est sur le haq, apparent, et ils sont connus jusqu'à yawm al-qiyama. Donc celui qui veut se rassembler revient à ce groupe. Amma, on se rassemble tous, sans aucun principe, sans il, sans revenir à nos savants. Là, ça fait du mal. Min al-asbab kadhalik, ay asbab al-furqa, al-ibtida'u fi din. Inventer des choses fi din, ça cause la division. Prends l'exemple de l'maulid, al-nabawi. C'est une bid'a. Ceux qui font cette bid'a, s'ils t'invitent, tu ne vas pas y aller. Pourquoi? Parce que c'est une bid'a. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a jamais fait. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré que ce qu'il n'a pas fait, c'est min al-bid'a. Et le bid'a, c'est min al-dhalal. Et le dhalal, c'est fin-nar. Donc, je ne peux pas faire cette chose. C'est une bid'a, c'est de l'égarement. Si tu ne réponds pas à son invitation, c'est de la division. Il va mal le prendre et ça fait des groupes. Un groupe qui est pour le maulid, un groupe qui est contre. C'est qui la cause de la division? C'est celui qui fait cette bid'a. Nous, on lui dit, on est sur l'os. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, qu'ils n'ont jamais fait, ils étaient unis, on reste unis sur ça. Si tu prétends que ça fait partie du din, cite tes preuves. Et pourquoi pas citer de preuves sur cette bid'a? Donc, al-ibtida'u fi din. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. As-subul, c'est le bid'a. Ces groupes, ces chemins innovés, c'est l'innovation. L'innovation, ça crée ces groupes pour l'ayadu billah. Donc nous on reste sur l'asl, sur as-sunnah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a cité le hadith. Annahu, il a informé que cette umma va se diviser. Elle va se diviser à cause de quoi? À cause de l'bida'. Des bida' dans les noms et les attributs d'Allah azza wa jal, des bida' fil qadr, des bida' fil iman, des bida' par rapport au gouverneur, des bida' par rapport à des ibadat, des bida' fi at-tawhid, ou fi shirk plutôt. Ils inventent des choses. Tout ça divise la communauté. Et des autres causes, on ne pourra pas citer ici, ça serait trop long, parmi les causes, al-jahl, l'ignorance, ça divise, jitten. Lianna al-alim, il cite une chose, un ignorant, il cite une autre chose, il divise tout le monde. Walil asaf, on vit dans une époque où certaines personnes, ils mettent la parole du savant et de l'ignorant au même niveau. Le savant, il démontre avec des preuves que cette chose, c'est pas permis. Un ignorant, il dit, mon père, il a fait, dans mon pays, ils font, je pense. Tu es trop wadhum, ils le suivent. Ça divise. L'ignorance. Kadalik, mutaba'atu a'da al-islam. Ça divise. Al-umma al-islamiyya, elle doit être unie. Et la base, c'est tawhid. On doit tous adorer Allah seul et suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça, l'explication des deux shahadas que chaque musulman, il aime et il prononce. Suivre autre que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça divisera. Ça divisera, que ce soit dans les choses apparentes ou les choses intérieures. Kam min al-muslimin an, ils sont cause de division, les annahum ils suivent al-a'da. Ils suivent les yahoud ou al-nasara et ça fait de la division. Thumma al-muslimun qui patiente et qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils suivent plus ha'oula et ça fait de la division. C'est qui la cause? C'est ceux qu'ils ont suivi al-a'da. Kadhalik, parmi les causes qu'on peut citer en bref ici, al-ghulu, exagéré. Al-ghulu fi din, ça c'est une cause de division. Li'anna, cette umma c'est ummat al-wasat. Qur'an wa sunnah avec la compréhension des salaf, c'est le juste milieu. Tu trouves, bardoum, il va exagérer, il va vouloir faire plus. Il divise. Kadhalik, hubb al-dunya, ça divise. Comme les musulmans, ils étaient unis et ils ont été divisés à cause de l'argent, à cause de dunya. Il ne peut plus voir son frère, il le déteste à cause d'un différend qu'ils ont eu par rapport à dunya, ça divise. Kadhalik, une des plus grandes causes, c'est ahlul bid'a wa dhalal. A'immatu al-fitan, a'immatu shar, ha'oula idibiz. Ils combattent Ahl al-Haq et ils sont à la tête d'un groupe. Bien sûr, ils ont des profits, niveau argent, etc. Enfin, ils égarent les musulmans. Ils mettent en garde contre Ahl al-Haq et ça fait de la division. Les 72 groupes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cités. Ihdhar akhi al-muslim. Prends soin de cette ni'ma. Prends soin de cette ni'ma. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré comment se rassembler. Enfin, accroche-toi au haq et tu respectes ton frère, tu l'aimes fillah et tu te rassembles fil haq et tu reconnais cette ni'ma. Tu reconnais cette ni'ma. Et on ne désespère pas, nous. Toute cette division qui est dans la Ummah, on ne désespère pas. Abadan. L'ilaj, il est connu. L'ilaj, il est connu. Il a le remède contre la division. Fi hadith al-Irbad, Ibn Sariya, radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال: Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Ça, c'est un dalil. Anna la division, elle aura lieu. Et elle a lieu en ce moment. Division. Man ya'ish minkum ba'di, celui qui vivra après moi, fasayara ikhtilafan kathira. Il verra beaucoup de divisions. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-an, il va citer la solution. Celui qui veut être préservé, il veut se rassembler sur le haq, et il veut être sauvé, la division c'est une cause de adab, comme on a cité les versets auparavant. Enfin, il applique hada, le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala alayhi sallatu sallam, fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin min ba'di. C'est ça la solution. Alaykum bis sunnati. Suivez ma sunna. Suivez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se divise par exemple, la communauté, il y a une énorme division par rapport au gouverneur. Un tel il dit faut se rebeller, un tel il dit faut patienter, un tel il dit une troisième chose. Alaykum bis sunnati, on revient. Et on verra que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a jamais appelé à se rebeller contre le gouverneur musulman. Jamais. Ben, il nous a ordonné de patienter, d'obéir. Obéir fi ta'atillah. Amma dans le ma'asiyya, dans le péché, on ne lui obéit pas. Lakin, ça n'implique pas qu'on se rebelle. Là, on patiente. Là, la rébellion s'emmène du char. Donc, tu veux te rassembler? Suis sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Suis pas al-kuffar. Suis pas ce que les gens y pensent. Suis pas ton ventre. Dunya. Qala, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Kedalik, c'est un point important. Anna sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu la comprendras en suivant sunnat al-khulafa. Et la compréhension de ha'oula, al-khulafa et al-sahaba radiyallahu anhu. A'addu alayha bin nawajid. C'est ça le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Accrochez-vous. Il a donné l'exemple avec nawajid, et les molaires. Ça, c'est un exemple pour te montrer, tu t'accroches fort. Donc la solution, elle n'est pas la démocratie. Elle n'est pas avec l'ahzab. Elle n'est pas avec tout ce qu'on entend. Elle, là, la solution, c'est s'accrocher fort à sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui nous unira. Pourquoi? En tant que musulmans, on aime tous le prophète. On sait que c'est notre exemple. La seule chose qui pourra nous unir, c'est suivre ce prophète. Amma, ton idée, un autre, il va avoir une deuxième idée. Ton parti politique, un deuxième, il va avoir un autre parti. Tes avis, les autres, ils ont des autres avis. Et ça divise. La seule chose pour unir les musulmans, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre le bid'a, les choses nouvelles fait din, ça divise. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala. Il a démontré que le bid'a c'est min ad-dhalal. Enfin, c'est ça la solution. La solution c'est qawlullah azza wa jall, fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah wa ar-rasul. Si on divise dans quoi que ce soit dans notre dîn, on revient à Allah et à son messager, aïe au Coran et à la Sunna. C'est ça la solution. La solution, ce n'est pas les élections. La solution, c'est suivre le Coran et la Sunna. Qala Azza wa Jalla, wa ma ikhtalaftum fihi min shay, fa hukmuhu ila Allah. Si vous divisez dans quoi que ce soit, al hukm il est lillah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge. C'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, haqq. C'est le Coran qui fait la différence. Cette chose, elle est halal, amla. Ce n'est pas les gens. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. C'est ça la solution. Obéir à Allah, obéir à son messager et au gouverneur. C'est ça la solution si on veut être uni. Pourquoi? Et ça c'est un point important. Cheikh l'Islam, on va lire sa parole et on va conclure avec هذا. لأن الجماعة, le groupe, il a besoin d'une tête. لابد. Une famille sans père, c'est une famille instable. Une entreprise sans patron, un patron ferme, c'est une entreprise qui peut chuter. Chacun fera ce qu'il veut. C'est connu, هذا. Il faut toujours une tête dans une chose. Cheikh l'Islam, il dit, رحمه الله في الفتاوى يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. الولاية c'est le fait d'avoir un wali, un gouverneur. Ton din et ta dunya, tu ne pourras pas appliquer que s'il y a un gouverneur. Pourquoi? قال فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض. Pourquoi? لأن pour avancer, on est obligé d'avoir des contacts entre êtres humains. T'es obligé. Tu ne peux pas faire les choses tout seul. Que ce soit le mariage, que ce soit le commerce, que ce soit beaucoup de choses, t'es obligé d'être en contact. قَالَ وَلَا بُدْ لَهُمْ عِنْدَ الْإِجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسِ. Et si ces êtres humains, ils sont obligés de vivre en groupe, c'est obligé d'avoir une tête qui gère. بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Pourquoi? Sinon, s'il n'y a pas ce wali, ce guide, ce dirigeant, ça va être le fawda. Le fort, il va être injuste envers le faible. Le faible, il n'aura plus aucun droit. Les vols, les meurtres, etc. قال حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم رواه أبو داود. Exemple طيب. حتى pour le voyage. Si trois musulmans ou plus, ils sortent en voyage, ils désignent un amir. Pourquoi? Le voyage, il a besoin de décision. Enfin, s'ils ont ce amir qui est autorisé pour Safar, il prendra des décisions et ça va préserver le groupe. Amma, tu voyages à trois ou plusieurs et tu n'appliques pas cette sunnah, alors pas mal, au bout de deux jours, trois jours, tout le monde est divisé. Al-An médite sur la communauté entière. On ne parle pas d'un voyage avec trois ou plus. L'un, la communauté des millions de personnes. قال شيخ الإسلام ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. 60 ans avec un imam, avec un dirigeant, il est injuste, c'est mieux que une nuit sans imam, sans dirigeant. Pourquoi? Cheikh l'Islam cite cette parole qui est connue. Pourquoi? لأن cette nuit sans dirigeant, ça peut être la cause que tu meurs, ou que tu perds tes biens, ou que tu subis une énorme injustice. Et c'est ce qui se passe avec les coups d'État. Une nuit, un coup d'État, Obama, plusieurs vies, elles basculent, le pays bascule. لأن il n'y a plus de guide, il n'y a plus de dirigeant. Amma, le dirigeant, tant qu'il est présent, même s'il est injuste, le pays est stable. Et celui qui subit une injustice, il patiente. Et yawm al-qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala, il jugera bien al-ibad. Amma, un pays, une umma sans dirigeant, c'est l'anarchie, wal'ayadu billah. Et tu comprends pourquoi l'an al-kuffar, ils font tout pour que le muslimin se rebelle contre leur propre dirigeant. Hatta, ils se divisent, ils faiblissent, et les kuffars, ils prennent le dessus. Avec cette parole de Cheikh l'Islam, tu comprends les méfaits du printemps arabe. Contrairement à ce que certains ignorants ils pensent, annahu c'est un bien, c'est un appel à la liberté, ils se sont libérés. Wallahi, leur situation, elle est beaucoup plus grave qu'avant ces révolutions. Même si ces gouverneurs ils étaient injustes, au moins il y avait la stabilité. Et alhamdoulilah, ils patientaient sur les faiblesses. Et petit à petit, ils avançaient. Et le musulman, il sait qu'il est fil dunya, il n'est pas fil jannah. Lakin, al-kafir, il ne veut pas ton khayr, ayyuhal muslim, abadan. Qala shaykh l'islam, wa tajriba tubayyin dhalik. L'expérience, elle montre hada. Ça, c'est à l'époque de shaykh l'islam. Et nahnu l'an, on a cité l'exemple du printemps arabe. On sait qu'un pays sans gouverneur prend les pays l'an où le kuffar, ils ont tout fait pour faire tomber les gouverneurs. C'est des pays instables. Des meurtres tous les jours, des pillages tous les jours, des viols. Aucune stabilité. Demande aux habitants de ces pays, est-ce que c'était mieux avant? 99% ils vont te dire même, on était mieux. Même avec les manques qu'il y avait, alhamdoulilah, au moins on avait la stabilité. Al-An, c'est une vie dhayqa jiddan qu'ils ont. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yansur al-muslimin. Qala wa at-tajriba tubayyin dhalik fa lihadha kana as-salaf كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. هكذا السلف ذاته لأنهم يكونسون importance de la jama'a et ils savaient que une jama'a sans gouverneur c'est pas une jama'a. Obligé d'avoir un guide qui démontre, qui applique le hudud, qui instaure des règles avec le kitab et le sunnah. ولله الحمد, le pays devient stable. فلهذا أحمد بن حنبل الإمام كذلك الفضيل بن عياض من أئمة السلف et d'autres, ils disaient si j'ai un dua, je suis sûr qu'il est exaucé, je le ferai pour le gouverneur. Pourquoi? Il sait que le gouverneur, si يستقيم على الطريق, toute la Oman va en profiter. Il sait que le gouverneur, s'il est préservé, il est guidé, tout le monde en profitera بإذن الله جل وعلا. هكذا نحن نكون. On reconnaît cette ni'ma, on fait tout pour appliquer. Hada l'ijtima', on appelle au haq, on conseille et on fait tout pour s'écarter des causes de la division. Lianna, ça contredit cette ni'ma. Enfin, notre din, c'est un din de rahma, c'est un din de khayr. Il appelle à tous les biens, même si les kuffars, ils essayent de démontrer l'inverse. Et bien sûr, on répète, ar-rujou' ila al-ulama. كذلك سابريزيرف الجماعه الرجوع الى العلماء لوبيسانس او حكام سا سا بريزيرف اون كوميونيتي سي اون كوميونيتي ستابل. اما لي جون اي ريفيان بلو او سافون اي زوبيس بلو ا لور ديريجان اي ديليس الكتاب والسنه كيسك تو با اسبير كيسك تو با اسبير لو بروميي عدو كي فيان اي فيت تو اي ديفيزرا هؤلاء اي سا سي ان دي موايان كو الكفار يوتيليز زيكارت لي جون دو العلماء de leur gouverneur, il les appelle à la rébellion, thumma, il les laisse s'entretuer entre eux. Et Al-Kafir, il regarde. Il n'a même plus besoin d'intervenir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays. L'il-Asaf, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq wa sada. Subhanak Allahumma hamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.